mal à supporter sa vie. Sa mémoire se décale sur des souvenirs enfuis, et il revoit des scènes qui passent au ralenti. Mais il a le cœur qui saigne, tous ses amours le fuient. Il ne peut plus supporter son image dans la glace. Il a vraiment tout raté, il n'est plus à sa place. L'avenir, le passé, le présent, tout s'efface. Il descend en enfer, il voit la mort en face. Ça fait franchement trop mal de se retrouver seul. Après tout, c'est normal, c'est bien fait pour sa gueule. Croire si fort à l'amour, faut être un peu idiot. Croire que ça dure toujours, quand aimer n'est qu'un mot. La seule raison qui fait être encore là et que je puisse vous parler, vous raconter tout ça, c'est bien sûr ses enfants avec qui il vit pas. Quand ils sont avec lui, il était quand ils sont tous les deux, ils ne se verraient pas et seraient malheureux s'ils n'étaient pas là pour partager leur jeu. Ils ont 6 ans d'écart, mais ont une autre mère. Ils sont tous les espoirs qui lui reste sur terre. Les voir grandir ensemble le rend plus fort chaque jour. Mais c'est pour eux qu'il tremble, c'est sûrement ça.